rappeur, le cartel, Defkila, cocktail, okay. Cartel, ok, CJ, ok. SMS, celui de l'amour de la vie pour ne pas avoir peur de la mort, faire le dur tu as tort, l'avenir appartient à celui qui sourit. Un message de simplicité, on partage de simples idées, un cri d'indépendance, car leur valeur on ne peut pacifier. De tes conneries ne sois pas si fier, l'exemple on doit donner, écarte Lucifer de nos petits frères, car l'amour on vient prôner à chaque galère de la vie. Alhamdoulilah, on caisse les coutures, mon son une grande berge que je partage à travers l'écriture. J'ai le hip-hop et ses valeurs, savoir se servir ses malheurs pour devenir un homme meilleur. Bien loin de ce qu'ils veulent te faire croire, c'est avant tout un signe d'espoir. Moi je veux qu'en toi tu puisses croire pour enfin sortir du noir. Un message pour la jeunesse, pour ceux qu'on oublie et qu'on blesse. Ouais, il faut pas qu'on les laisse, le mettre au bout de leur laisse. Non, faut rester soi-même, aller au bout de ce qu'on aime et ne pas laisser leur système détruire les rêves que l'on sème. Chartel, c'est la forme faite de conscience, un mélange de style. Bonne expérience, une alliance basée sur l'indépendance. Qui vise les aimés, nous passe les qui avance. On exprime la liberté sur ses limites. A tout prix, la défaillance, on pose en un silence. Sur toutes les ambiances, mais notre passion, quelle que soit la reconnaissance. Je suis pas arriviste, récidiviste, juste activiste, déliriciste du hip-hop système qui s'estompe. Car beaucoup se trompent en jouant les mystères. Laisse-moi prendre le relais avec le cartel, pas de message erroné, juste des frappes semblables à celles de roulette et sourds savoure, y'a pas d'ironie. Mais où va le hip-hop quand les ongles contrôlent? Je prétends être au top en jouant un jeu. Je balance un message par mon bandeau, le pied de moi, ça y est, un coup d'aile de phase lyrique à l'héritage d'atout que je partage comme un cadeau. Pour prôner la peine, même si c'est la rage qui me pousse à le faire. Je prends mon stylo, j'élance des faits et balance des faces qu'ils préféraient taire. Je prends mon art en guise d'étendard, crois pas que l'indépendance day s'est endormie. Lutter contre un système établi, l'histoire pour ne pas tomber dans l'oubli. Si ici les messages sont clairs et comme un phare éclaire les frères. Éclaire la famille, pas les faux pour les faces qui puvent la du déo. Militer pour nos idéaux, humilité qui détruit l'ego. Ici que des gars réglo qui rêvent que l'on soit tous égaux. Chartel, c'est de la